Hein? Pardon, monsieur. Il y a un supermarché près d'ici? Oui, sur le boulevard Jean Jaurès. Le supermarché est en face des écoles. Deux. Pardon, madame. Où est la poste? Elle est loin d'ici? Non, c'est à côté, sur la place de l'hôtel de ville.